Il me paraît que ma comtesse rêve, qu'elle tombe dans le recueillement. Oui. Je vois la marquise et Dorante dans une affliction qui me chagrine. Nous parlions tantôt de mariage. Il faut absolument différer le nôtre. Différer le nôtre? Oui, d'une quinzaine de jours. Qu'à des dix? Vous me parlez de la fin du siècle? Et en vertu de quoi, la remise? Vous n'avez pas remarqué leur mouvement comme moi? Mais que j'ai besoin de remarques. Je vous dis que ces gens-là sont outrés. Voulez-vous les pousser à bout? Nous ne sommes pas si pressés. Mais si pressés que j'en meurs, Sandis. Si le cas requiert une victime, pourquoi me donner la préférence? Non, je ne saurais me résoudre à les désespérer, chevalier. Faisons-nous justice. Notre commerce a un peu l'air d'une infidélité. Oh. Au moins. Ces gens-là ont pu se flatter que nous les aimions. Il faut les ménager. Je n'aime à faire de mal à personne. Ni vous non plus, apparemment. Vous n'avez pas le cœur dur, je pense. Ce sont vos amis comme les miens. Accoutumons-les du moins à se douter de notre mariage. Mais pour les accoutumer, il faut que je vive. Et je vous défie de me garder vivant. Vous ne me conduirez pas au terme. Tâchons de les accoutumer à moins de frais. La mode de mourir pour la consolation de ses amis n'est pas venue. Et de plus, que nous importe que ces deux affligés nous disent « partez ». Savez-vous qu'on dit qu'ils s'arrangent? Qui s'arrange? De quel arrangement parlez-vous? J'entends que leur cœur s'accommode. Vous avez quelquefois des tournures si gasconnes que je n'y entends rien. Voulez-vous dire qu'ils s'aiment? Exprimez-vous comme un autre. On ne parle pas tout à fait d'amour, mais d'une petite douceur à se voir. D'une douceur à se voir. Quelle chimère! Où a-t-on pris cette idée-là? Eh bien, monsieur, si vous me prouvez que ces gens-là s'aiment, qu'ils sentent de la douceur à se voir, si vous me le prouvez, je vous épouse demain, je vous épouse ce soir, voyez l'intérêt que je vous donne à la preuve. De leur amour, je ne m'en rends pas caution. Oh, je le crois bien. Prouvez-moi seulement qu'ils se consolent. Je ne demande que cela. En ce cas, irez-vous en avant? Oui, si j'étais sûre qu'ils sont tranquilles. Mais qui nous le dira? Je vous tiens. Et je vous informe que la marquise a donné charge à Frontin de nous examiner, de lui apporter un état de nos cœurs. Et j'avais oublié de vous le dire. Voilà d'abord une commission qui ne vous donne pas gain de cause. S'il nous oubliait, il s'embarrasserait guère de nous. Frontin aura peut-être déjà parlé. Je ne l'ai pas vu depuis. Que son rapport nous règle. Je le veux bien.